avant la douane. Aquarium dans l'RS3. Beaucoup parle, mais dis-moi, ils connaissent quoi? J'aime l'odeur, mademoiselle. Sur l'autoroute, tu vois la lune. Je mets du tulle, ça donne des ailes. Sur mon sang, y'a des gens qui s'allument. Moi, je suis de Marseille, essaye. Tu veux m'éteindre, essaye. J'ai le fils de l'homme, mon frère. Je reconnais le gratteur sur la selle. Je descendais au bar, je buvais un sirop. J'ai peut-être dit bonjour à un tiro. Mon rêve, c'était d'être connu en faisant trembler son tiro. Si t'as pas eu ce que tu désires, cache la peur avant la douane. En fumette, les yeux fermés. Avant la douane, ils te fouillent, te mettent à poil. Y'a rien là, tu peux fouiller. Le pochon est caché dans les cheveux. Cache la peur avant la douane. En fumette, les yeux fermés. Avant la douane, ils te fouillent, te mettent à poil. Les voisins qui flippent, la jalousie des autres flics, parce que les petits faisaient du fric. J'ai plus, j'hésite, y'a plus d'en équité. J'suis en zone de vite, j'lasse un sourire au fils de. J'ai levé le dum-dum, ils m'ont tous porté l'œil. Il m'a dit t'es le dum-dum, est-ce qu'il sera là à mon deuil? Trop d'hypocrite, trop qui profite. Tu penses sur mon pote que tu le mets en photo de profil. Tu te rappelles quand j'te chalais, quand j'étais là, quand tu chialais. T'avais personne avec qui te caler. Maintenant c'est toi, tu vas te le caler. Cache la peur avant la douane. En fumette, les yeux fermés. Avant la douane, ils te fouillent, te mettent à poil. Y'a rien là, tu peux fouiller. Le pochon est caché dans les cheveux. Cache la peur avant la douane.